talk to you like film stars, they get close to you. You've murdered his appeal. He wants you so, he wants to be beside you. Beurre à CK, siffleur Salazar, le feu sur le terre-terre, mon pote. Ouais, ouais, j'prends le sable, plus la merde, j'ai que de la haine en quantité. Si les coups peuvent éclater, à chaque contrôle d'identité. Et j'reviens mettre une rafale, histoire tous les pédestals. Donc, poteau fait péter le cal, on est mort sur le pédestal. Y'a mes bics comme mes négros, et tous mes rolotos. J'veux mon saut dans les autos, et puis qu'est gros, un gros loto. Et t'as vu, j'm'en bats les reins, une dégaine de galérien. J'mets mon doigt au fond du cul, ceux qui ont cru que je valais rien. De ce puis, j'dois tout péter, donc branche les chronos. Les gosses ne m'écoutent pas, j'ai pas rangé les gros mots. Les jaloux veulent tester, c'est une balle dans la tête. Moi cousin, j'accélère car j'ai pas de temps à perdre. Si je défouraille le chrome, ce n'est pas le Salazar. La rafale meurtrière siffle leur braque Salazar. Alors fermez vos gueules et puis bougez la tête. Tous les jaloux j'accasse, je vais leur pousser la merde. Moi les refs sont gourmands, les rums se tourmentent. Je représente la banlieue comme une putain tournante. Et quand je déboule à donf, tous les radars me flashent. J'ai du bif et une tasse, donc les bâtards me clashent. Y'a pas de thème, y'a pas de concept. On veut que les conseils, 80 carats sur la médaille. On veut que les conseils, y'a conseil. Parle pas si t'as un bon lance concert. Tu veux, tu pomperas, donc j'verrai ta gueule à nos concerts. Salazar, braqueur, siffleur, 91, 423. Voilà le pirate pratiquant le rap de gogol. J'suis perdu de l'école avec l'instinct du vol. On marchera pas dessus, j'avance avec personne. Fier d'être mal perçu, pas là pour qu'on m'affectionne. L'amour fait pourrir, donc allez tous vous faire foutre. Jaloux, t'as le cul cisaillé, va te le faire, recoule. J'ai pas un trajet de voyou, mais j'ai appris le mal. Bien avant ton père, t'es craché de ses yeux. J'm'en tape des meufs, j'suis loin d'être fou d'elle. Chez moi, c'est viens baiser, sinon va te foder. Touche pas à ma fierté, encore moins à mon honneur. Pour venir nous la mettre, faudra j'lever de bonheur. J'viens braquer les drag queens, buter les travelots. Saigner les tarlous, faut du sang sur leur drapeau. Pas de lien amical, que des conflits radicals. J'suis un P4 avec l'instinct de kamikaze. C'est les gros bails, Salazar et Bracomaille. 9 ans sur col. Barre MC t'es direct offside. A fond sans frein, dans le sens inverse. Jaloux écoute ça, tu vas chaler une averse. Y'a pas de thème, y'a pas de concept. On veut que les conseils, 80 carats sur la médaille. On veut que les conseils, y'a conseil. Parle pas si t'as un bon lance concert. Tu veux tu pomperas, donc j'verrai ta gueule à nos concerts. 9-1-2-S ma gueule, CSI, braqueur les SLK. Salazar pour la famille, FEA, ok. La loi de la rue, pour du pif comme y'en plus béton. J'défonce la porte du pif car la serrure est pleine de béton. J'avoue mon flingue, tous les jours j'me demande qu'en faire. La haine dans ma rue, c'est la main de Satan dans un grand fer. Devenir chéri, ça jusqu'à la fin ça sera maquette. Entraîné par la rue, ça sent la violence de nos maquettes. Passe à la banque, viens pécho ici si t'es Brad Pitt. On veut des gros billets donc viens pas ici si t'es Brad Pitt. Parle pas d'école, notre parcours a été lamentable. Trop influencé par l'inconscience, pas par la mentale. On fait du mal, Mohican, mon équipe est sous cam. J'irai pas confesser le prêtre un peu pour sucer sa soutane. T'es sur la liste, haute liquidrate dans les règles de l'art. Un canon sur ta top car nos vies sont réglées par le dollar. Trop m'écras, alors un maximum faut fréco. Car la vie est courte, en plus c'est une gueule comme fréco. Dans le caniveau, avec le shit, les keufs, le crack on vit. Pendant que je me lamente, des gamines font le trottoir à Cracovie. J'me dois de péra, pour ça j'attendrai pas le début des bits. Le rap est chez nous, tandis que sur la FM des bits des bits. La rue nous sert sa puce, nous comme des cons, on boit sa cul sec. C'est pas le plus balèze, mais plus malin qui sortira le cul sec. La poisse me cherche. Tu lui bien que je suis pas posé homologue. Je suis chez Cadenza, on est en train de péra avec mes homologues.